parle sur un thème un peu plus spirituel, juste pour mon interlude. Pendant que je vous tiens entre deux yeux, entre deux morceaux, dites-moi, sérieusement, franchement, où sont vos dieux? Parce que moi je ne vois rien du tout. Avant d'entamer le thème, je précise, je veux pas finir odieux. C'est vrai, je n'attendrai plus rien d'eux. Ils ont mis à mal ma patience, ma tête dirigée aux cieux, accompagnée de prières élogieuses qui m'ont retourné l'esprit. Encore nombreux sont ceux qui vivent encore pour vous. L'âme dévouée, ils croient encore même roué de coups. Ils prient pour pardonner un péché ou un coup de pouce. Sont vous dit unique, mais je crois qu'en fait vous êtes plusieurs avoués. Un dieu sommeille en chacun de nous. Pour le respect des croyants, j'ai beau être ouvert. D'où je suis, je ne vois rien du tout. J'ai vu des chrétiens tuer des nègres, des musulmans tuer des êtres, et des juifs tuer des musulmans. Le calvaire des juifs par les allemands. Le sang coulera toujours, pas besoin de médias pour savoir que vos dieux sont partis faire un tour. Peut-être qu'ils se jouent de nous, et qu'au final, ouais, ils se foutent de vous. Après ça, je passerai sûrement pour un mécréant, un mec chiant. J'ai beau regarder les atrocités de ce monde, quand je vois tout ce qui se passe, dur pour moi de devenir un croyant. En voyant les dégâts collatérales de 2-3 bombes, j'attendrai pas 2-3 plombes pour dire ce que je pense avant de rentrer dans la tombe. J'ai le cœur gros, meurtri, le monde me rend triste. D'où je suis, je suis rien à part un cri de plus dans votre matrice. Je garde la foi en moi sans jouer l'actrice ou me lancer dans le tri sélectif de martyr. Je peux être solennel, artiste, loin d'être arriviste de cette situation alarmiste. Alors, pendant que je vous ai tenu entre deux yeux, dites-moi franchement où sont vos dieux. Car j'ai beau regarder autour de moi, j'avoue, je ne vois rien du tout. Où sont vos dieux? Réflexion. Où sont vos dieux? Où sont-ils? Je ne vois rien, je ne vois rien, je ne vois rien, je ne vois rien. Si, si. Upgrade your sounds today and start making it.